une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous avons découvert le portrait d'un assassin, un tueur de femmes, Henri Vidal. Nejma Bouakra et Manouchak Fachaï, accompagnés par Philippe Artière et Dominique Khalifa, nous ont connectés à la vie infâme d'Henri Vidal. À l'époque, un autre homme s'y intéresse bigrement, un certain professeur Lacassagne, qui tente de construire un nouveau corpus scientifique sur la criminalité en se servant de prisonniers. Son cobaye, Henri Vidal. Lui, il a un grand cahier et par son écriture, tente de sauver sa vie. Run from me, darling. Henri Vidal sur lui-même. Oh, me disais-je, comme tu es malheureux, Henri. Il faut décidément que ta tête soit peu sympathique, que tu aies bien un peu de veine pour que la société soit si cruelle envers toi. Mais puisque la société est si cruelle, tu te vengeras sur cette même société. Que ce soit l'échafaud, que ce soit les travaux forcés qui en résultent, peu importe, tu seras séparé du monde, mais au moins tu t'en seras vengé. Puisque Gertrude aussi te trahit, Gertrude aussi, il faut tuer. L'affaire Henri Vidal, le tueur de femmes. Le rouge. Le manipulé manipulateur ou le manipulateur manipulé. Nejma Bouakra, Manouchak Fachaï. Les nuages multicolores passaient devant les yeux. Henri Vidal écrit du fond de sa geôle des milliers de feuillets et c'est ce qu'il nous reste de lui, sa petite écriture, bien droite, appliquée. Une voix surgit avant qu'elle ne devienne cendre dans les quelques phrases qui la battront. Bon pour l'échafaud ou le bagne. En attendant, se joue une dramaturgie du réel. Ses mots posés sur un grand cahier sont ceux d'une bataille, donner du fil à retordre au docteur. Ceux qui viendront statuer sur son cas d'assassin, par préméditation ou folie. Chacun sait ici que les dés sont pipés, jetés, mais c'est ici que le fol espoir surgit et fait de la bugne, du raté, du dégénéré, un homme qui argumente. Face à lui, l'immense stature, le père de la criminologie, de la police scientifique, l'expert auprès des tribunaux, Henri Lacassagne. Sur une photo vieillie, on peut apercevoir le médecin légiste allant à petits pas sur le bateau morgue pour identifier un cadavre. L'homme est fasciné par le crime. Il dépèce les morts, il confond les apaches, ces voyous anarchistes qui défèquent dans les demeures bourgeoises pour signer leurs crimes. Le docteur, avec la complicité d'un biologiste, trouve un indice, un ver solitaire, dont il retrouve l'hôte, le truand. La police est médusée. Toutes les expérimentations sont dans ses cordes. Car le criminel est un microbe, un élément qui n'a d'importance que le jour où il trouve le bouillon de culture qui le fait fermenter. C'est la pochette. Ça, c'est faire une note de la Cassagne. Oui, je vais juste. Dans le catalogue du fond Lacassagne, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a l'ensemble des affaires sur lesquelles a travaillé le professeur Lacassagne. Et donc, on retrouve très facilement l'affaire Vidal avec les manuscrits, donc c'est-à-dire le dossier que pouvait constituer Lacassagne dessus. Benjamin Ravier Mazoko. Et on a aussi l'ensemble des livres ou ça peut être des brochures, ça peut être des coupures de presse. Et donc là, on voit qu'il y avait non seulement le manuscrit 5623, mais en fait tous les manuscrits compris entre 5623 et 5263 et 5268. J'avais un détail qui, je pense, n'a pas d'intérêt. Problème de cote, parce qu'il y a marqué 5363 et on avait dit 5263. Alors, il se pourrait que nous ne trouvions pas la bonne boîte. Si, je pense que quand même on va y arriver. Ouais. C'est une sorte d'encyclopédie des criminels. Ça s'apparenterait beaucoup plus à des choses de l'ordre des fiches, non pas de police, mais de police scientifique, quelque part. Alors, imaginons Lyon, dans les années 1900. Il faut imaginer ce Lyon-là. Un bateau morgue est amarré en face de l'hôtel Dieu. Et là, des corps non identifiés sont présentés sur une embarcation qui fait office de dépôt mortuaire. Le Rhône, ce serait le Gange. Alors, c'est un peu ça. C'est une image qu'on a du mal à se fixer lorsqu'on n'a pas vu les documents d'archives. Amos Frappa. Et c'est une image qui est tout à fait lyonnaise, puisqu'il n'y a pas d'autres cas, du moins de ce que je connais, de bateaux morgues ainsi effectivement amarrés en face d'un service hospitalier. C'est là que le professeur Lacassagne œuvrait à côté de son laboratoire de médecine légale, puisqu'y étaient entreposés les cadavres non identifiés, que les Lyonnais pouvaient effectivement voir et éventuellement reconnaître une personne de leur entourage. Il fallait y être convié. Tout à chacun pouvait s'y rendre et même par pur intérêt du spectacle, hein, aller voir effectivement les têtes du repêché du jour ou les visages de l'inconnu ivre-mort qu'on avait retrouvé dans la rue. Et des corps en putréfaction. Alors, il y avait un système de conservation, mais tout à fait rudimentaire, hein, puisqu'on faisait couler un mince filet d'eau sur les cadavres pour que la conservation des corps dure un peu plus. Donc c'était effectivement une ambiance particulière et surtout une odeur qui était en général insupportable. C'est pas un bateau qui a été conçu pour être une morgue, c'est juste une plate, c'est-à-dire un bateau lyonnais typique sur lequel on avait en général le linge qui était nettoyé, lavé. Et plusieurs fois, entre le milieu du 19e siècle et 1910, quand le bateau morgue coule pour la dernière fois, eh bien, il y a eu plusieurs chavirages et effectivement, on a retrouvé les cadavres en aval cette année-là. Docteur Lacassagne. Pour moi, messieurs, j'admets trois types d'instincts. Le criminel de sentiment, le criminel d'acte, le criminel de pensée. Les criminels de sentiment sont incorrigibles. Le crime, pour eux, est une profession. Ils sont défectueux par hérédité ou entraînement dans la voie du vice. Les criminels d'acte sont les criminels par passion ou par occasion. Les criminels de pensée sont des criminels aliénés. Ce sont ces derniers qui sont les plus horribles assassins. Il ne faut jamais oublier que Lacassagne, c'est un fils d'hôtelier. Il fait de la médecine militaire, il passe pas par la grande porte. Hein. On l'envoie en Algérie. Philippe Arthier. On n'envoyait pas les grands professeurs en Algérie. On envoyait ces jeunes médecins. Il va être auprès du bataillon disciplinaire dans deux villes algériennes. C'est là d'ailleurs qu'il va commencer à former son œil. En Algérie, Lacassagne ne s'intéresse pas seulement à la psychologie des criminels, à leur histoire de vie, il s'intéresse à leurs tatouages donc chez les soldats, mais il regarde aussi autour de lui, il voit des pratiques, il fait un apprentissage de ce qu'on pourrait appeler une ethnologie sauvage. Et c'est bien comme observateur et savant d'une altérité que Lacassagne va rentrer en métropole. L'essentiel est de recueillir, de faire une gerbe, de l'apporter sur l'air. Les batteurs viendront ensuite pour en faire sortir le grain. Amos Frappa, à quoi ressemble le docteur Lacassagne ? Eh bien, c'est un personnage historique, mais il pourrait être aussi un personnage de fiction, tant il a un faciès qui, pour nous, effectivement, incarne ce qu'a été la Troisième République, ou même incarnerait ce qu'auraient pu être les Brigades du Tigre. Il s'agissait d'un homme de taille modeste, portant généralement un chapeau de forme et une grande et belle moustache, effectivement, qu'il arborait sur les quais du Rhône, qu'il aimait bien fréquenter lors de ses balades quotidiennes. Une moustache fournie ? Très fourni, avec un petit retour sur le sommet, donc très typique de ce qu'on connaît de l'époque. Au fatalisme qui découle inévitablement de la théorie anthropologique, nous opposons l'initiative sociale. Alors, Lacassagne, effectivement, c'est un drôle de bonhomme si on regarde d'un peu près ses intérêts scientifiques. Alors, il n'est pas le seul à s'intéresser au crime, il n'est pas le seul à s'intéresser à la question de la perversion sexuelle. Muriel Salle. Une citation que j'aime bien de Jérôme Coquart qui dit de lui que il a la démarche ferme et cadencée, l'œil vif et gai, la parole abondante et colorée, et qu'il présente dans la physionomie, l'allure, l'habitude générale, tous les signes matériels correspondant à ses qualités intellectuelles. C'est un ensemble parfait. L'homogénéité faite homme, l'expression la plus adéquate de l'harmonie physique et morale. Et en face de cette description, on voit quand même, quand on s'attache un peu plus longtemps au pas d'Alexandre Lacassagne, que derrière le portrait bien lisse, il y a quand même un certain nombre de dissonances. Par exemple, au moment de son premier séjour en Algérie, alors qu'il est médecin militaire auprès des bataillons d'Afrique, il collectionne des motifs redondants et il essaye de se construire presque, on pourrait dire, une forme d'alphabet de la criminalité recueillie à même la peau, effectivement, des tatoués, avec l'idée qu'il va comme ça pouvoir recueillir d'une manière absolue, dit-il, les dessins, inscriptions ou emblèmes relevés sur la peau de 550 individus et en faire une espèce de grammaire de la criminalité. Dans beaucoup d'affaires, effectivement, on le voit tenter des choses, on le voit tirer sur des cadavres avec une arme, on le voit tenter de reproduire le geste mortel en tapant sur un crâne avec un marteau. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, a toujours mis la pratique au cœur de son travail. Il y a d'autres étrangetés, moi j'aime particulièrement celle-ci. L'arrière-petite-fille d'Alexandre Lacassagne conserve en souvenir de son arrière-grand-père le moulage d'une main féminine qui fait fonction de presse-papier de bronze sur son bureau. Et on retrouve le même moulage, cette fois-ci en fonte, sur la porte de la demeure familiale de Villeray, où le médecin aimait à passer en famille les mois les plus chauds de l'année. Même si on ne connaît pas l'origine exacte du trophée, je vais appeler les choses comme ça, il y a essentiellement deux hypothèses. Ce serait la main d'un cadavre que Lacassagne a autopsié ou la main d'une criminelle qu'il a examinée. Mais dans tous les cas, c'est une main de femme qu'il a trouvée très belle. De la même façon, la vaisselle chez les Lacassagne est ornée de motifs de tatouages relevés à même la peau des criminels. Donc c'est un drôle de bonhomme, Lacassagne. Des milliers de feuillets. J'ouvre par exemple là les mémoires autobiographie, correspondance, poésie, dessin, etc. de Henri Vidal. Là, c'est un cahier d'écolier, hein, tout simplement, avec une petite étiquette au nom de l'élève, si je puis me permettre, c'est-à-dire Henri Vidal. Et effectivement, lorsqu'on ouvre ce cahier, dedans, c'est là encore une très belle écriture, agrémenté de quelques dessins, un magnifique dessin de campagne, ce qui est très étonnant par rapport au crime qu'on impute à Henri Vidal, et avec effectivement une reconnaissance, une signature adressée à Lacassagne, a priori, qui est signée effectivement Henri Vidal. Alors du coup, je vois, c'est un coin de... Du Soudan français. Du Soudan français. En fait, Henri Vidal, là j'ai sorti uniquement l'autobiographie, les mémoires, mais il a écrit aussi non publié, dans les autres pièces qu'il a fournies, tout le récit de son voyage au Sahel et au Soudan français. C'est cette parenthèse africaine, ou ces épisodes africains, dans l'écriture de Vidal, ils vont revêtir une certaine importance, parce que ils vont croiser des intérêts de Lacassagne. On voit à quel point Lacassagne prend toutes les pièces au sérieux. Quand je dis toutes les pièces, c'est qu'il y a donc ce manuscrit autobiographique d'une soixantaine de pages, qui est probablement une mise au propre, hein, et qui est annoté par Lacassagne. Disons que c'est l'autobiographie principale. Et puis tout un ensemble de petits textes qui sont des réponses à des points particuliers sur notamment la préméditation, enfin des choses qui sont très précises. Et puis aussi beaucoup de dessins. Il est polygraphe. Il fait même un dictionnaire, tout couleur. Ce qui est étonnant avec le cas Henri Vidal, c'est qu'on dit à la fois qu'il est dégénéré, et puis on peut observer une écriture limpide, on trouve quelqu'un qui a une capacité de construire une narration. Si on se penche simplement sur le fait qu'un homme emprisonné, qu'on dit dégénéré, qui a des cris, on peut trouver quelques photos de lui avec le front bas, des descriptions corporelles et physiques qui viendraient dire qu'il est dégénéré, puisque c'est le mot utilisé, comment est-ce qu'un dégénéré peut écrire ? Vous doutez ? Comment est-ce qu'à cette époque-là, on peut associer les deux idées ? Je suis collé, oui, je n'ai aucune idée. Pas un dégénéré ne ressemble absolument à un autre, en apparence du moins. Car tous sont pourtant des déséquilibrés à des degrés divers. Tous les dégénérés ont un fond d'indigence intellectuelle. On peut cependant, d'après certains symptômes prédominants, les classer en trois catégories. Idiots, débiles, dégénérés supérieurs. Oui, il écrit tout de même un dictionnaire tout couleur, donc une sorte de dictionnaire de traduction des langues au Soudan. Il écrit son autobiographie. Et il écrit même des poèmes en juillet 1902 pour remercier Lacassagne de cette peine finalement peu sévère. Alors que, ouais, effectivement, moi je suis collé aussi. Comment est-ce qu'il peut être dégénéré ? L'un des syndromes est l'obsession morbide, caractérisée par l'apparition involontaire et anxieuse dans la conscience de sentiments ou de pensées parasites qui tentent à s'imposer au moi évoluant à côté de lui malgré ses efforts pour les repousser et crée ainsi une variété de dissociations psychiques dont le dernier terme est le dédoublement constant de la personnalité. Si on prend par exemple la question du dictionnaire, comment du dictionnaire tout couleur, oui. Oui, du dictionnaire tout couleur qu'il produit après et qui vient nourrir la thèse que il est loin d'être un idiot. Et donc qui nourrit cette idée que c'est quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un de savant, puisqu'il est capable de faire un dictionnaire. Parce que qui est capable de faire un dictionnaire? Vous êtes capable de faire un dictionnaire? Moi, je ne suis pas capable de faire un dictionnaire. Ce sont les savants qui font des dictionnaires. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire comment il amène des productions graphiques, comme le dictionnaire, comme aussi des réponses extrêmement précises sur des points. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un discours délirant qui viendrait comme contrer l'hypothèse d'une responsabilité totale. Puis il y a autre chose dans le séjour à la prison et Dominique Califf. À la prison de Lyon et donc dans le moment de l'expertise et dans le moment de l'autobiographie, il y a qu'il va se prendre aussi d'amitié ou de, comme les autres d'ailleurs, un attachement réel va se constituer à l'égard de Lacassagne. Et donc il y a à la fois le sentiment que cet homme va le comprendre, il a envie de lui faire plaisir, il a envie d'aller vers lui. Et d'une certaine manière, Lacassagne comprend des choses en lui. Donc c'est très trouble ce moment de Henri Vidal à Lyon, qui est à la fois un moment stratégique, où il a bien compris effectivement qu'il avait une carte à jouer, que c'était une carte importante pour lui. Mais il y a aussi qu'en parallèle, il aime bien ce docteur Lacassagne, il va lui faire des dessins, il va lui faire des poèmes. On va retrouver un peu partout cet attachement, cette sorte de transfert avant l'heure qu'il y a entre l'inculpé, le prisonnier, le criminel, parce que la plupart de ces hommes ont déjà avoué, et le médecin. Il faut imaginer à peu près ce qu'est Lacassagne, j'ose la formule. Lacassagne, c'est comme Lacan dans les années 60. Dans son domaine, c'est le maître. Le maître. Il essaye de piéger aussi le maître dans son propre savoir, parce que c'est un savoir qui est basé à Lyon, mais qui a une revue qui est internationalement lue. Lacassagne est une figure qui non seulement rayonne, mais c'est quand même l'expert du corps du président de la République, Sadi Carnot, quand il est assassiné en 1893 à Lyon. C'est pas rien. Henri Vidal adresse une poésie au docteur Lacassagne, illustrée de palmes, avant de devoir quitter Saint-Paul. « Jamais je n'avais rencontré en ce monde quelqu'un qui me vit tel que je suis. Mais aussi vrai que ce que la terre est ronde, et aussi réel qu'il y a de l'eau dans la pluie, j'ai vu en vous le premier et le seul homme qui m'ait saisi et qui m'ait compris. Le seul qui ait vu ce que je n'avais pas vu, qui ait apprécié les mots d'un cœur meurtri. » Muriel Salle, je crois aussi que lorsqu'on parle de dégénérescence pour ces criminels, on est très obsédé par l'idée de l'instinct sexuel. Alors effectivement, oui, on est très obsédé par l'idée de l'instinct sexuel, avec l'idée qu'il y a un certain nombre de comportements sexuels qui sont réputés anormaux et que du coup, ces comportements, au même titre que les stigmates que sont par exemple les tatouages ou le front bas ou la mâchoire prognate, sont des signes de dégénérescence. Il va notamment faire école en matière de ce qu'on appellera après la sexologie, puisqu'il va diriger un certain nombre de travaux de recherche sur des comportements sexuels réputés anormaux. Par exemple, il est le directeur de la première thèse qui est consacrée à la nécrophilie. Et après cette thèse-là, suivront bien d'autres thèses sur les perversions sexuelles, si on peut dire les choses comme ça. Il passe son temps à essayer de classer les gens. Et plus il les classe et plus il se rend compte que cette entreprise taxinomique, elle est quasiment inatteignable, elle est impossible à mener jusqu'à son terme, au point qu'il va par exemple dire la chose suivante: une cause d'erreur majeure est due à l'absence de limite nette entre l'état normal et l'anomalie. Et ça, c'est son obsession, la limite nette. Une cause d'erreur majeure est due à l'absence de limite nette entre l'état normal et l'anomalie. C'est pour n'avoir pas étudié un nombre suffisant de sujets normaux. C'est pour ne pas avoir étudié un nombre suffisant de gens normaux et n'avoir pas tenu compte assez des variations ethniques que certains auteurs ont regardé comme étant des tares dégénératives, des caractères anatomiques particuliers, mais normaux, des troubles fonctionnels psychiques que rien n'autorise à classer comme pathologiques. Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? C'est dans la correspondance que Henri Vidal livre au professeur Lacassagne. Et donc au verso d'une des lettres, il écrit une roue de la fortune dans laquelle au centre il écrit 25 ans de souffrance morale par les femmes. Il décrit sous forme de roue l'ensemble des choses, comment dire, qu'il a mal vécues dans la relation qu'il a eue avec les femmes. C'est, ça se présente avec l'extérieur de la roue, une série de questions. Par exemple, pourquoi ne sortiez-vous pas ? Pourquoi n'aviez-vous pas d'amis ? La réponse au même niveau, parce que j'étais toujours sans argent, par exemple, toujours sur la première question. Et puis au centre, la cause unique de mes crimes, ouais. 25 ans de souffrance morale. Que ce drôle de caractère serait plutôt dû à la façon très sévère dont j'ai été menée. Pourquoi ne vous pas rester avec votre mère ? Parce que ma mère n'a jamais eu pour moi l'affection que je mérite. J'avais de ma mère, et de ma mère seulement, une peur effroyable. Pourquoi votre mère ne vous aimait pas ? Sans doute parce que je suis née au milieu des tourments et des ennuis. Avec cette espèce de dialectique question-réponse, il s'auto-analyse, mais de manière un peu surprenante, parce que finalement, dans les 31 questions qu'il examine, pour ce que j'en vois rapidement, en réalité, il est essentiellement question d'une femme. Je ne suis pas un écrivain. Sa mère, en l'occurrence. Si le loisir m'en est donné. Et pas des femmes. De faire plus tard un livre où ma vie racontée en détail servira de leçon à beaucoup de mères. Je sais, mère, comme il y en a malheureusement beaucoup aujourd'hui qui ne comprennent pas les devoirs qui leur sont échus lorsqu'elles ont mis des enfants au monde. Et tueur de femmes, on entend presque haine des femmes aujourd'hui, tueur de femmes pluriel. Oui, bien sûr. Alors, il faut dire quand même qu'à cette époque, l'affaire Jacques l'Éventreur n'est pas si loin. Il y en a eu d'autres, l'affaire Vacher. Lorsque les journalistes le qualifient de tueur de femmes, c'est quand même aussi le discrédit, la dévalorisation maximale. On peut pas aller plus loin que cet homme qui tue des femmes. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont lui-même va tenter de retourner comme une défense cette notion de tueur de femmes. Oui, j'ai tué des femmes, mais il y a des raisons à ça, et qui va tenter d'expliquer. Alors lui, il le dit, effectivement, il a un compte à régler avec les femmes, mais en fait, il a un compte à régler avec sa mère, c'est ce qu'il tente d'expliquer dans son autobiographie. Il a aussi un compte à régler avec sa propre sexualité. Je pense pas que... les docteurs le disent à demi-mot. Il a un compte à régler avec lui-même. Il l'a bien compris, et quand il se revendique comme tueur de femmes, quand il veut faire de cette haine de la femme une pathologie qui expliquerait son passage à l'acte criminel, là il est malin à cet égard-là. Là il comprend quand même quelque chose, et il voit effectivement comment il peut faire usage de la terrible image qu'on lui colle à la peau. À cet égard-là, il est moins une bune que d'habitude, Henri Vidal. Puisque Gertrude aussi te trahit, Gertrude aussi, il faut tuer. Henri Vidal tente toutes les excuses pour être jugé irresponsable. Passage sur le meurtre de Gertrude. Oh, laissez-moi tranquille, dit Gertrude, fichez-moi la paix. Lueur rouge. Et c'est alors que, me sentant soulevé par une force irrésistible, je vis rouge. Je me précipitai sur la malheureuse et lui plongeai mon énorme couteau dans la poitrine. Je vis rouge. Une lueur rougeâtre me passant devant les yeux. Des cris parvinrent à mes oreilles. Une lutte s'ensuivit qui ne fit qu'augmenter ma rage, et je vis rouge, bleu, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour supprimer les cris, je frappais encore, je ne sais comment, jusqu'à ce que, la voyant sans vie, j'ouvris la porte et précipitai la malheureuse hors du wagon. Dans le registre, effectivement, lorsqu'on regarde les annotations de Lacassagne, on remarque divers indices du doute qui habitait le professeur à la lecture du témoignage de Vidal. Par exemple, on peut lire Henri Vidal qui écrit « Alors, m'asseyant sur un banc de la gare, je réfléchis qu'il était peu prudent de ma part de rentrer à Nice en plein jour, chargé d'objets volés. » Et c'est ainsi que, effectivement, Lacassagne réagit en face en disant « Ailleurs, il dit qu'il était parti sans prendre de billets. » On voit Lacassagne qui met en doute le témoignage de Vidal, ce qui bien sûr est essentiel parce que ça remet en question toute la véracité des propos qu'il a pu tenir par ailleurs. Et comme c'est effectivement l'expert Lacassagne qui est chargé de faire un peu l'état du mental de Vidal et de voir effectivement s'il a un état d'esprit à cacher des choses ou à tricher, eh bien effectivement cela a dû bien jouer en sa défaveur lorsque effectivement le rapport a dû être rendu. L'expertise médicale. Qui effectivement est censée mettre à nu l'âme du criminel ou de la personne innocente pour savoir effectivement s'il aurait pu commettre cet acte et surtout, c'est le gros enjeu en fait de ce type de rapport à l'époque, de savoir s'il est responsable. J'étais intéressé à les noter, à voir la tonalité. Bon, c'était pas des commentaires qui étaient faits pour Vidal. Il s'agissait pas de rendre à Vidal sa copie en lui disant comment on rend une copie à un étudiant ou un élève. Menteur. Non, c'était des commentaires justement menteur. Très lâchés, quoi. C'est quel menteur, hypocrite, acre, scélérat, enfin des choses comme ça. C'était assez étonnant d'entendre la voix de la Cassagne. Pour la peine, ce genre d'annotation sont certainement symptomatiques, alors là, de la relation particulière qui se noue entre la Cassagne et Henri Vidal. Qu'est-ce qui le dérange? Parce qu'il doit faire preuve, et puis finalement, les criminels se dérobent. Hein. Oui, je pense que les criminels se dérobent. Peut-être qu'il prend la mesure de quelque chose qu'il n'avait pas à l'esprit quand il lance cette entreprise de recueil des paroles criminelles, à savoir que c'est un jeu dans lequel il y a deux acteurs, et que certes, lui, il suscite quelque chose de la part des criminels auxquels tout ça est documenté, il fournit le papier, mais aussi quelques avantages en nature qui améliorent la vie carcérale, du tabac, du sucre, voilà. Mais que il y a aussi une espèce de contrat qui se passe peut-être à son insu ou sans qu'il en ait pris la mesure au début de son entreprise, parce qu'il considère que les criminels dont il suscite la parole sont peut-être pas en capacité d'avoir des stratégies. Et à mon avis, ils se rendent assez vite compte que c'est bien le contraire qui se passe, que les criminels qu'ils sollicitent sont capables de déployer des stratégies, qui comprennent bien quel type de dispositif la Cassagne cherche à mettre en place. Et donc, du coup, ils voient bien, ces criminels, quels bénéfices afférents à l'exercice auquel on accepte de se soumettre, ils peuvent tirer. Il y a des acteurs qui, sans être à égalité, en tout cas, jouent chacun leur partie pour essayer de tirer leur épingle du jeu. On chasse vraiment celui qu'on appelle en psychiatrie le simulateur, voire en prison, dans le domaine criminel, le manipulateur. C'est quelque chose qu'on perçoit très bien dans les annotations de la Cassagne. Puisque le manuscrit principal a été lu et annoté en marge par la Cassagne. On est encore une fois à un moment où historiquement il se passe des choses. Il se passe des choses à Paris, à Vienne, plus tard. C'est quand même le grand moment de l'émergence de la psychanalyse. Donc là on est face à des médecins qui croient beaucoup en l'écriture. Se disent « Ah, l'écriture, c'est le lieu de la vérité. » Et bon, ils vont perdre, puisque, comme on sait, c'est la parole qui va être la grande victorieuse. Vidal sur son propre cas. « Je sais que je suis un grand coupable, mais ce que je sais aussi, c'est que je n'ai pas été assassin par une volonté venue de longue date, préméditée, réfléchie. » Et qu'il s'est passé en moi quelque chose de surnaturel qui, dans l'intérêt de la science, sinon dans le mien, mérite d'être découvert. Le manipulé manipulateur ou le manipulateur manipulé. Nejma Bouakra, Manouchak Fachaï. Avec Dominique Kalufa, Philippe Artière, Amos Frappa, historien, Muriel Salle, historienne, Benjamin Ravier Mazoko, archiviste. Alain Anglais, la voix du docteur Lacassagne. Jacques Bonafé, la voix de la Bugne, Henri Vidal. Au mixage, Claude Niort. Coordination, Christine Bernard. Tu seras séparé du monde, mais au moins tu t'en seras vengé. Puisque Gertrude aussi te trahit, Gertrude aussi, il faut tuer. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler des traces que peuvent laisser un divorce. Mais c'est une autre histoire.